Amis humains, bonjour. Les 358 familles les plus riches qui possèdent la moitié de la fortune mondiale vous remercient de dépenser votre énergie à vous dévorer entre vous. Écoutez. Les 1000 milliardaires recensés sur cette planète vous remercient pour votre formidable aptitude à les enrichir quotidiennement, en privilégiant leurs produits manufacturés, payer des clopinettes aux milliards d'esclaves des pays sous-développés, et que vous achetez 100 fois plus cher chez vos commerçants locaux. Les 500 grandes multinationales qui contrôlent 52% du produit brut et détiennent davantage que les 133 pays les plus misérables, sont ravis que vous vous précipitiez dans leurs grandes surfaces tueuses de petits commerces. Leurs banques peuvent aussi racheter avec les intérêts de vos emprunts les faillites de vos centres-villes, afin d'y installer leurs robots distributeurs inhumains mais bien plus rentables, puisque n'étant pas soumis aux cotisations sociales. Les 358 familles les plus riches qui possèdent la moitié de la fortune mondiale se régalent à l'idée que vous achetiez leurs produits et apprécient la pub que vous faites pour leur nom désormais célèbre. Elles se réjouissent que vous acceptiez de payer très cher leur marque afin de paraître plus riche que vous n'êtes. Et trouvent amusant que vous ayez la gentillesse de bien vouloir les porter en circulant en ville, afin que tout votre petit monde les voie, les envie, et ainsi les achète à leur tour. Merci de favoriser leur commerce et de suivre leur mode très vite obsolète, mais aussi rapidement renouvelé. Les milliardaires du monde entier et leur cohorte des plus belles filles du monde qui font la une des magazines que vous achetez, remercient également vos armées de bien vouloir, aux frais de vos peuples et des contribuables, faire respecter l'ordre dans les couloirs que franchissent nos yachts en acajou pour pouvoir en paix rejoindre nos nombreux paradis fiscaux. Ceci nous encourage à continuer encore longtemps, puisque c'est à vous que nous devons de nous gaver quotidiennement de caviar, de champagne, de dormir dans des suites 5 étoiles et de rouler en somptueuses voitures de sport. Continuez donc bien sagement à vous en prendre aux fonctionnaires feignants, aux cloportes gauchistes et aux grévistes preneurs d'otages et autres salauds comme Feu Chavez. Ah, c'est très bon. Pendant que l'on fait assassiner peinard les journalistes d'opposition au Honduras et les syndicalistes tout frais du jour en Colombie dans la plus exquise des confidentialités, rien ne se sait et tout se poursuit. Merci également de nous laisser exploiter les dernières ressources planétaires tout en détruisant la nature avec une certaine désinvolture. Et ensuite c'est vous qui payerez au bout de la chaîne de distribution, le supplément que représente l'horrible problème posé par les déchets qui débordent dans vos poubelles et infesteront vos vies et celles de vos générations futures. Merci encore, de soutenir les contre-réformes consistant à vous déposséder, au nom de la compétitivité, de vos derniers droits sociaux, et d'accepter une baisse constante de vos salaires. Merci surtout de dépenser votre énergie à vous dévorer entre vous, à vous défouler consciencieusement sur du bouc émissaire à forte teneur appauvrie, car sans cela, je dois bien vous l'avouer, à 1000 contre 7 milliards, on aurait quand même un peu de mal à garder nos distances. C'est leur ego qui empêche les hommes d'être égaux. Claude Frisoni. Et toujours dans l'humour. Article de Robert Gilles. C'était une sélection radio parasite. À bientôt et grosse bise numérique.